Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et quatre épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, les paradoxes de la viande. Une série de Delphine Saltel réalisée par Vincent Deck. Au départ de cette série, il y a ce plaisir désormais un peu coupable de la côte de bœuf au barbecue ou de la visite à la chouette boucherie de quartier. Et puis cette question, comment peut-on à la fois aimer les animaux et les manger, voire les tuer, les dépecer et les découper? Bref, comment peut-on être boucher? Alors pour commencer, les personnages. Un fils de boucher, un prof prudent, un garçon qui voulait être footballeur, un autre qui a fait un stage, un jeune qui se fait de l'argent, un prof soigneux, une autrice qui a l'œil, un garçon humilié par l'école, un enfant placé qui s'est débrouillé, une adolescente dégoûtée du collège qui veut un métier et un futur patron. Ensuite le décor. Des carcasses et des couteaux, des côtes et des paupiettes, l'apprentissage, un CAP, des caricatures, des fantasmes, du raffinement, des gestes experts et des traditions, des boulots salissants, la sécurité de l'emploi, des tabliers blancs, travailler plus pour gagner plus, la clandestinité, l'éviscération, un os, une ambiguïté qui n'est pas un paradoxe et un très vieux métier. Aujourd'hui, quatrième épisode, on est en classe. On va recommencer par remplir les fiches de synthèse. Vous les remplissez sérieusement. Je vous rappelle que pour moi, c'est un petit travail pour pouvoir vous donner des activités en atelier. Entre deux, vous sortez vos carnets, vous vérifiez qu'il ne manque rien. Si sur les carnets, il y a un message pour moi, vous le dites au passage. À l'école des bouchers, par Delphine Saltel et Vincent Deck. Tu mets uniquement ce que tu as fait. Après, on voit ça en atelier, puis après, on complète. Je vais mettre des secondes. Faut que je laisse un peu plus de viande sur la première côte. Alors, où est-ce qu'elle est la première côte? Elle est là. Elle est là. Très bien. Alors, avec ton couteau, comme tu étais très bien parti, tu vas venir ici. Ton couteau ça, va venir en appui. Tu cherches ta première côte et tu l'allonges. Vas-y. Vas-y. Là, comme ça. Voilà, vas-y. Ouais. Très bien. Par contre, ici, je sais pas si tu es trop. Dans le disque, c'est pas grave. Ah, c'est, ouais. Allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Un coup de feuille. Eh ben vas-y, on y va. Regarde. Donc le coup que tu as mis, il correspond à l'épaisseur de ta lame, ici, mais pas l'épaisseur de ta feuille. Donc quand c'est comme ça, tu le mets dans le coup de que tu as mis. Regarde. Tu m'expliques comment ça a commencé la boucherie pour toi? En fait, j'ai de la famille dedans, donc quand on voyait toute sa famille, finalement, en fait, mes parents passaient plus de temps à travailler, donc je voyais pas beaucoup mon père ni mon grand-père, donc je me demandais toujours ce qu'ils faisaient. Et un matin, j'avais 4 ans, je suis allé à Rungis, puis en fait, finalement, je me suis rendu compte de ce qu'ils faisaient tous les matins, pourquoi finalement ils étaient pas avec nous, plutôt que ça a commencé comme ça. Donc la première fois où j'ai commencé à toucher le couteau, j'avais 7 ans. Après, j'ai commencé à faire les fêtes de Noël, j'avais 10 ans. Après, dès qu'il y avait un problème avec. Il manquait du personnel, je me déplaçais pour aider mon père et mon père. J'ai toujours dit que je terminerais boucher. Finalement, ça prend de ce. C'est compliqué à expliquer, mais c'est vrai que c'est un truc qui m'a toujours attiré. T'as jamais douté? Non. Attention, ça c'est dangereux. Alors, lorsque quelqu'un fend, tu te mets jamais devant. Si la feuille est glisse de ses mains, parce qu'il a les mains grasses, parce que je ne sais quoi, tu risques d'avoir un accident. Vas-y. Alors tu vois, quand tu travailles, que ce soit tu fendes ou tu travailles, il faut donner une aisance. Ouais. La cliente, comme ça, quand elle te voit travailler, elle a l'impression que le mouvement il est facile. Tiens-le bien, mets tes deux mains dessus. Voilà. Moi, clairement, quand j'étais petit, je voulais être footballeur comme tous les joueurs de foot que je regardais à la télé. Quand on est petit, on regarde des modèles, en fait. Alors qu'à la télé, on voit pas de métier de boucher. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert avec mon beau-père. J'ai commencé à travailler petit à petit peu. Au début, je trouvais ça, c'était sale. il y avait du sang, la matière elle était bizarre, j'aimais pas. J'ai continué et à force de pratiquer, je me suis dit, mais en fait, c'est pas si sale que ça, parce qu'on fait quand même les choses bien pour que les clients, au final, ils puissent manger comme il faut. On leur sert pas juste un bout de viande et puis c'est bon. On prépare tout pour que le client il puisse avoir envie de manger. Ton poulet, pour qu'il soit sur le dos, pour pouvoir l'ouvrir correctement. Cette fois, tu refais pas la même erreur. Donc, on va venir détendre ma volaille. Une fois que ma volaille va être détendue, je vais aller retirer la tête et les pattes. Ça, on ne va pas faire ça n'importe comment. D'accord ? Pour ce qui est de la tête. Souvent au cinéma, dans Délicatessen ou le film de Claude Chabrol, par exemple, le boucher, c'est l'assassin qui tue et découpe ses congénères comme de la viande. Un addict du couteau, perverti par la manipulation quotidienne de la chair et du sang. Il se mange le cou. Il y en a qui aiment ça. Il l'a payé. On doit lui laisser derrière la figure familière du commerçant, en tablier et crayon derrière l'oreille, qui nous donne du « Madame Pijard, on a du foie de veau aujourd'hui, je vous en mets combien ?» L'inconscient collectif se plaît à fantasmer un dangereux serial killer. Pourtant, dans la vie réelle, le boucher, justement, ne tue pas. Son travail commence après l'abattoir, après la mise à mort des bêtes, quand l'animal a disparu, qu'il n'est plus qu'une carcasse. Entre ses mains expertes, la chair morte qui nous dégoûte devient rôti, paupiette, saucisse merveilleuse. Le tabou devient festin. De là, peut-être, notre attraction-répulsion, notre mauvaise conscience au fond. Le boucher fait pour nous le sale boulot, il dissimule à notre regard le meurtre des animaux pour que nous puissions prendre notre plaisir, faire bonne chair, l'esprit tranquille. Ça, tu veux le manger, non ? Qui est blanc là, ça c'est du tissu conjonctif mon garçon. C'est pas comme ça. Tu le poses à plat, prends ton couteau à désosser et tu le grattes. Voilà. Ça c'est excellent à manger si c'est bien paré. Mal paré, je t'explique même pas. À l'école professionnelle de boucherie, dans le 12e arrondissement de Paris, près de la place de la Nation, des élèves apprentis en première année de CAP racontent la corporation fascinante à laquelle ils ont décidé d'appartenir. À quoi ils pensent quand ils plantent le couteau dans un jarret ou qu'ils désossent une épaule? À quoi ils rêvent? Combien ils aimeraient gagner? Ce qu'ils se disent de leur place dans la société, des animaux que nous tuons et des hommes qui les mangent. Là, je sépare le filet de rhum steak au cœur de rhum steak. Ça consiste, après, on va pouvoir faire les rôtis avec cœur de rhum steak ou filet de tourne-dos avec le filet de rhum steak. Et là, on va éplucher. C'est-à-dire, on va retirer toutes les aponevroses, tous les nerfs, tout le gras du morceau pour qu'il ne reste plus que la viande. À l'école, ils nous laissent le temps, ça va. Bon, après, chez notre patron, c'est différent, c'est pas pareil. Ils demandent moins de travail. Chez les patrons, c'est moins un travail précis. C'est plus de la rapidité qu'autre chose. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes là ? J'avais fait un stage en 3e. J'ai bien aimé, je me suis dit que j'allais me lancer dedans. CAP, brevet. Juste avec un stage ? Juste avec un stage, ouais. Stage d'une semaine. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Et j'avais vu un reportage sur la boucherie, tout ça. Je me suis dit pourquoi pas le faire et ça m'a plu directement et je me suis lancé dedans. Et vos copains ? Bon, au début, visa, boucherie, hein, couper de la. Enfin, c'est pas des moqueries, mais c'est. On va dire c'est pas le métier le plus bien vu au début. Sauf qu'après. Enfin, on sait pourquoi on le fait, donc du coup, après, on s'en fout un peu de ce qu'ils peuvent penser ou dire. Qu'est-ce qu'ils disent, par exemple ? Truc con, hein, mais c'est tu coupes des bêtes, tu tues des bêtes. Bah, on les tue pas, on les prépare, on les vend, Enfin, y a toujours du respect derrière, ça je veux dire. Eux, ils voient vraiment le côté caricature. C'est le gros bonhomme, tout plein de sang, qui découpe la bête. Bah, je pense que c'est plus ça, maintenant, la prochaine. Ça, c'est plus raffiné. Je vais dire un truc con, mais c'est que nous, vu qu'on travaille depuis le début, bah ils se moquent plus, c'est quand ils voient le compte en banque que toi t'as et qu'ils ont, Bon, c'est bête à dire, mais c'est vrai. Ouais. Arrête d'être souillon. Tu retournes le morceau, il y a encore la longe qui est dessus. Ah, oui. Tu travailles, t'as des caillots de sang, regarde. C'est quoi ce buzzer? Prends l'habitude de travailler proprement. Ça fait partie de la production. Voilà. La veine qui est là. Liseré de gras là. À retirer. Pas mal ce côté-là. D'accord? Alors vas-y, hop. Fais-toi plaisir quand tu travailles. Hein. Dans la cour du centre de formation des apprentis des Côtes d'Armor, ils ne payent pas de mine. Une trentaine d'adolescents à la peau rougie par le vent liquide de la mer, affolés par les hormones, duvet naissant au-dessus de la lèvre supérieure, mèche collée sur le front, joues rondes, épaules voûtées, mains dans les poches, fluets dans leurs blousons, engoncés dans leur sweat à capuche. Ils écrasent un mégot imaginaire du bout de leur basket en écoutant le directeur et son discours pompeux, débit monotone. Pim, 16 ans, les dépasse tous d'une tête. Son crâne allongé et ras, son regard fendu. Pim n'a pas toujours rêvé d'être boucher. Ce n'est pas une vocation, ce n'est pas reprendre l'entreprise paternelle. C'est fuir l'école qui l'indiffère d'abord, puis l'ennui, et aujourd'hui lequel s'y fuit. C'est trouver un boulot, gagner de l'argent, s'y mettre le plus vite possible, avoir un métier et qu'on n'en parle plus. Il laisse volontiers à d'autres les professions fantomatiques de la modernité, marketing ou communication. Il choisira un boulot salissant et concret. Monsieur, bonjour, vous allez bien ? Là, vous voyez mon cochon ? Comment on appelle uniquement cette partie-là, là, où j'ai le laser, là ? Pour écrire Comme une bête, son roman, paru en 2012, Joyce Ormond a mené une phase d'observation documentaire à l'école professionnelle de boucherie. À travers le destin de son personnage principal, qui s'appelle Pim, la romancière malaxe le réel des élèves rencontrés dans les cours d'anatomie bovine et les ateliers de découpe, et elle y insuffle une réflexion anthropologique sur la viande et les rapports entre l'homme et l'animal. Vous savez ce que c'est comme question ? Une question qui a déjà été posée lors d'un CAP. Donnez-moi l'équivalent de la pointe de porc. Bah, je vais y répondre, le quasi. Quand j'ai décidé d'écrire un livre dont le motif principal serait la viande et la boucherie et que j'ai commencé à façonner le personnage principal donc de Pim, qui est apprenti boucher au début du livre, j'ai voulu de manière assez systématique étudier toutes les étapes de ces métiers de la viande. Donc la première étape, c'était nécessairement cette école de boucher. Alors, ce qui m'intéressait en premier lieu, c'était les motivations de ces adolescents, puisque moi j'avais mon personnage et je me disais comment on décide à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans de devenir boucher. Est-ce qu'on le fait par atavisme familial? Est-ce qu'on le fait parce que ça embauche? Est-ce qu'on le fait pour des raisons plus obscures, plus troubles, plus mystérieuses qu'ont à voir justement avec le sang, la viande, l'animalité, la mort, le sacrifice? Voilà, je voulais savoir si quelque chose pouvait les distinguer en tant qu'adolescent, des autres adolescents qui auraient choisi des filières qui me paraissaient plus anodines. Et donc finalement, ceux que j'ai rencontrés ne sont pas pour moi des incarnations de la jeunesse, sont plutôt des incarnations de futurs travailleurs, de jeunes gens qui sont déjà dans à la fois des postures et des problématiques d'adultes, qui commencent à être indépendants financièrement, qui se projettent tout de suite justement dans le monde du travail et qui dit souvent d'ailleurs monde du travail dit famille, stabilité, tous les marqueurs comme ça du monde adulte et qui ont quitté espèce d'insouciance de la jeunesse qui s'étire. Ah, alors, monsieur Savocard, non, c'est bien un gueule, ce morceau-là, vous le connaissez? Il s'appelle comment? C'est le jambon. Le jambon, bon, on en fait quoi du jambon? Bah, du jambon. Hein? Pour faire au four? Avec le jambon. Ah, oui. Les rôles de porc. Ça va aller, monsieur? Il aime bien. C'est bien, ouais, d'accord. Il aime ça. Donc, si, vous autres, si vous ne faites pas cuire, ça, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez le vendre en tranches épaisses et ça s'appelle la rouelle de porc. Voilà. Rouelle de porc, vous mettez ça à cuire, de l'eau, des pommes de terre, c'est le poivre, un oignon, clac, ça va au four. À la quoi, t'as dit? Terminé. Okay. Il y a un seul inconvénient, la rouelle de porc. C'est gras. Bah, à la limite, je préfère entendre ça. Moi, ça m'ennuyait d'apprendre, en fait. Ça, ça me dérangeait. J'aimais pas, en fait, rester sur une chaise tout le temps. Je séchais les cours directement pour éviter d'y aller avec des amis. Voilà, on s'amusait en fait en dehors de l'école. Quand je rentrais chez moi, je révisais pas mes cours. Quand il y avait des contrôles, bah, je les révisais pas non plus. J'étais plus sur l'ordinateur en train de jouer. J'ai eu un de mes profs, c'était en anglais, je me rappelle, qui me disait que tous les jours que j'étais un bon rien, que j'arriverais pas dans ma vie, que je serais dans la rue, je ferais rien, je traînerais, je vendrais de la drogue et tout ça pour essayer de m'en sortir. Du fait de mon surpoids aussi. Quand je bavardais, il me disait tiens, lève-toi, ça te fera du sport et tout ça. Suite à ça, j'ai resté neutre en fait, je suis resté fermé. Enfin, ça m'a fait prendre conscience que j'étais en train de beaucoup grossir. Ça m'a un peu énervé. Ça m'a encore plus. Ça a fait encore plus détester l'école. C'est pour ça que je suis parti vers l'apprentissage, où on fait de l'école et du travail en même temps. Ablation de la moelle épinière, les opérations préliminaires. Alors regarde, si tu me coupes comme ça, quand tu vas mettre ton coup de feuille, tu vas le mettre comment? Si tu coupes ici, comme tu me dis là, ton coup de feuille, quart de tour, tu prends ton coup de feuille, tu mets comme ça là. Sauf que là, tu vas taper dans la poitrine. Ah oui, d'accord. Donc, du coup, mes professeurs ont parlé à mes parents, m'ont parlé à moi de l'apprentissage. Et du coup, c'est là que j'ai été en troisième. On m'a parlé des stages de découverte, où on pouvait en faire deux. Donc j'ai fait un stage en boulangerie-pâtisserie et un deuxième en boucherie. Eux, de préférence, ils voulaient que ça soit dans deux travaux différents. Donc moi, je leur ai expliqué que moi, ce que je voulais, c'était plus de travailler dans l'alimentaire. Depuis que je suis petit, j'aime bien faire des gâteaux, j'aime bien faire un peu de tout ça. Comme je savais qu'en pâtisserie, on pouvait manger des petits trucs et tout ça, du coup, j'ai voulu aller dedans aussi. Parce que du coup, du fait de ma gourmandise, mon père justement n'était pas d'accord du fait de mon surpoids. Parce qu'il savait très bien que je mangerais. Quand le matin, on a un bon pain au chocolat qui nous attend, c'est bien. Donc j'ai écouté mon ventre et du coup, j'ai été en pâtisserie pour faire mon CAP. Donc la première année, ça s'était bien passé. Enfin, moyennement bien passé. Et juste avant d'arriver en deuxième année, mon patron, je ne sais pas ce qu'il a eu. Il s'énervait énormément sur moi, il m'insultait pour des choses que. Pour une toute petite erreur que j'avais faite. Et du coup, bah, c'est de cette erreur-là qui m'a frappé, qui m'a insulté. T'es nul, t'es un bon à rien, t'es un connard et tout ça. Enfin bon, voilà. Même devant les clients, il disait ça. Les clients qui rigolaient. Et moi, j'avais la peur en fait de le dire. Du coup, j'ai tenu vraiment longtemps sans le dire à mes parents. J'ai beaucoup pris sur moi. Jusqu'au jour où je me suis un peu énervé, j'ai insulté aussi mon patron. J'ai failli le taper justement par l'énervement. Et de fait, de ce jour-là, j'en ai parlé à mon père. On a fait des lettres que mon père envoyait à l'école. Mais l'école nous avait répondu que de toute façon, il n'y avait pas assez de patrons pour prendre les apprentis. Donc ils feront rien. Et du coup, suite à ça, j'ai été voir le boucher à côté de chez moi. Vu que j'avais fait un stage en troisième chez ce boucher-là. C'était un peu mon ultime... C'était mon secours en fait, c'était je savais pas où aller d'autre, je savais pas ce que je voulais faire. Je me suis dit on va se débrouiller, on va faire du mieux qu'on peut. Et bah pour l'instant ça se passe plutôt bien. Mon patron il est assez fier de moi, je m'entends bien avec mes collègues, avec l'école ça se passe bien, j'ai de bonnes notes. Il est où le muscle potier là? Non mais justement, arrête! Arrête de manipuler la viande comme ça! On s'en soigne du produit! Ouais. D'accord? Retire ta main pleine de doigts. Le muscle potier, qu'est-ce que t'as en dessous là? T'as de la viande? Ouais. Pourquoi tu vas me la découvrir? Pour qu'elle soit plus présentable? À un moment donné, la tête elle doit travailler aussi. Hein. Le boucher, c'est pas que les mains qui travaillent, c'est les mains et la tête. Une association des deux. Ouais. Voilà. Et après, tu fais attention que ton morceau, il faut toujours anticiper la façon que tu le travailles, comment tu vas le vendre derrière. Est-ce que toi, tu l'achèterais le produit une fois que tu auras fini de le travailler? Tu vois? Voilà. Ça, c'est plus joli. Ça, c'est présentable. Ça marche. J'arrive. Ce qu'ils s'entendent très bien, c'est qu'il y a quand même une angoisse du chômage, de toute façon, dans cette génération. Et on sait très bien que la boucherie manque de bras, que la boucherie recrute. Donc, il y a déjà cette quasi-certitude pour ces jeunes d'avoir du travail et de ne pas se retrouver au chômage, à la rue, sans argent. Donc, il y a ce désir de sécurité. Et puis, il y avait effectivement une certaine fierté à s'inscrire dans cette espèce de tradition bouchère qui implique voilà, une culture très française, un savoir-faire qui se transmet, ce tablier blanc, et puis l'idée du boucher qui est un peu une des figures de la rue commerçante. Enfin, tout ça fait aussi signe vers une France peut-être un peu passée. Et avec ceci ? Non, mais la borie, là. La borie, c'est pas celle de Guérande, c'est à Chédreau, c'est fait avec de la vieille coche, ça c'est super bon. C'est top top. Oui. Avec ceci, madame. J'ai fait du filet de bœuf, je l'ai ficelé, je l'ai préparé, puis il va être mis en vitrine. Lorenzo ? Voilà. T'as du steak haché, s'il te plaît ? Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient pas faire ce que tu fais. Oui, je sais, mais moi ça me plaît. Travailler la viande et puis. Moi qui aime bien la viande, bah, j'aime bien ce que je fais. Voilà. Deux petits, un moyen. Comment t'es arrivé là ? Moi, je suis d'origine syrienne. Donc, je suis né là-bas. Et puis, j'ai dû partir de mon pays. Parce que sinon, j'allais pas être bien là-bas par rapport à mon avenir. C'était pas l'endroit idéal pour pouvoir avoir une vie professionnelle et puis être bien là-bas, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'était quand j'avais 4 ans. Donc ça fait un petit moment déjà. Du coup, je suis parti de là-bas, j'étais avec mon père et mon petit frère. J'ai dû faire comme les migrants clandestins d'aujourd'hui. C'est-à-dire faire comme eux, mais c'était il y a 10 ans. J'ai dû traverser les frontières clandestinement dans la nuit et c'était pas tout beau, tout rose. C'était pas facile. Et puis, je suis arrivé en France. Mon petit frère et moi, on était placés en famille d'accueil. Parce que mon père, il pouvait pas nous garder, c'était compliqué, notre situation. Du coup, on était placés en famille d'accueil. Et puis, j'étais scolarisé en France. Ça se passait pas bien. J'étais pas bien à l'école, je me sentais pas bien. J'étais pas très sage et puis, ça m'avait pas plu. Et puis, j'ai découvert qu'on pouvait faire des pré-apprentissages à partir de 15 ans. Je me suis intéressé à ça. Du coup, j'ai commencé à faire des recherches, j'ai appris à faire des lettres de motivation, des CV, tout ça. J'ai appris tout ça et puis je suis venu poster mon CV ici au Relais du Boucher, le restaurant de mon patron. Et puis après ça, j'ai fait un stage découverte en boucherie. Et j'ai préféré ça que le restaurant. Et du coup, j'ai décidé de travailler. On fait des tranches fines, moyennes, épaisses ? C'est parti. Florian, on peut vous demander votre rencontre à tous les deux ? Alors, j'ai rencontré Levon lors d'un stage qu'il avait réalisé au tout début dans mon restaurant. Il est venu à la base pour rentrer en cuisine. Et donc, il est arrivé en costard au restaurant pour se présenter, en mode tout timide. Donc, il est resté 6 mois au restaurant à peu près. 6 mois au restaurant. Donc, là, après, j'ai appris à le connaître au fur et à mesure. Et après plusieurs conversations qu'on a eues, il m'a raconté son histoire. Et là, c'était différent. Après, c'est son passé, c'est ce qui fait pour moi sa force. Et c'est pour ça qu'il se bat un peu plus que, on va dire, les jeunes de son âge. Ça reste quand même un enfant. Donc, après, on a tout de suite vu qu'il comprenait vite. Il comprend que. Il faut travailler plus pour gagner plus déjà. Ouais. Pour moi, les gens disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais pour moi, ça y contribue beaucoup parce que sans l'argent, on ne peut pas faire grand-chose. Et c'est ça qui m'a fait décider de travailler à 15 ans. Sachant que j'ai qu'un petit frère ici en France et que je n'ai aucune famille, alors je me suis dit que le travail, ce serait bien. Comme ça, je pourrais mettre de l'argent de côté et puis économiser pour plus tard. pense que mon passé, enfin, mon vécu fait que c'est ça qui m'a lancé dans mon milieu professionnel. Et que ça ne me fait pas peur de travailler et de rester debout toute la journée, faire des tâches. Et tout. Tu crois que t'es plus courageux que la moyenne ? Non, pas forcément plus courageux, mais si, je pense que je suis plus courageux que la moyenne. Si j'ai réussi, c'est grâce à ce que j'ai pu faire pour pouvoir changer les choses. Et ton frère, il en pense quoi ? Lui, il est fier de moi et ça me donne encore plus de la force. Et ta mère ? Je ne la connais pas. Je me souviens plus très de son visage. Je ne sais plus à quoi elle ressemble. C'est compliqué, j'ai pas envie trop de rentrer dans les détails, mais j'ai plus envie d'avoir contact avec elle. Et ça fait plus de 10 ans maintenant, et j'ai plus de contact avec une famille, avec personne. Plus rien. Ils sont dans une partie où il y a la guerre. C'est pas facile de les contacter tout le temps, ni d'avoir des nouvelles. J'essaie de pas trop y penser parce que c'est pas facile. Mais des fois, à force de rester comme ça pendant 2 heures à éplucher de la viande, et ben je pense à rien. Je suis concentré juste à ce que je fais et je pense à pas à grand chose. Et ça me permet de m'évader. Et puis moi, quand je vais au travail, je suis avec des gens que j'aime bien, mes collègues que j'apprécie bien. Le patron il est sympa avec nous. Je sors, j'ai des amis. Du coup, je suis pas malheureux. Également l'extrémité de la 13e côte de la dernière côte. On va prendre ici le repère, rappelez-vous, on va prendre le grand diamètre de la noix. Rappelez-vous, c'est pas deux fois. Non, pas deux fois. C'est deux fois, tu la reposes. C'est, on prend le. Ben oui, ben ça fait pas deux fois la grandeur de l'âne. Ça fait une seule fois. C'est ce que je dis à ton point et on remet. Tu fais pareil avec ta paye, toi. Ton patron, t'as multiplié par deux. Ouais, ça serait bien. Ça, ce serait bien. Hein. Ouais, mais il faut que tu sois deux fois plus productif, mon garçon. Ça va. Ouais, t'es content de toi. Bon, ouais, mais lui, ton patron, il est peut-être pas content de toi. Sûr, franchement, ça va. Il se plaint pas. Il se plaint pas. Ouais, surtout quand t'es à l'école, il se plaint pas. Hein. Non, franchement. Allez, on arrête. Allez, on va reprendre, donc, on a dit, le grand diamètre de la noix. Ça marche qu'on reporte une fois. On va venir ici. On va toujours parler. Alors j'épluche un cœur de rhum steak. Donc c'est dans l'arrière de la bête sur la cuisse. Et on épluche ça pour mettre soit en rôti soit en steak. Alors ça consiste à prendre un couteau qu'on appelle un éplucheur du coup, qui a une lame qui est souple pour pouvoir éplucher le morceau, passer entre la viande et la graisse, tout ça. Tout ce qui se mange pas finalement en fin de compte. Voilà. Ce qui est difficile, c'est d'éviter de laisser de la viande sur ce qu'on épluche en fin de compte. Parce que si on laisse de la viande sur ce qu'on épluche, on fait de la perte. Si on fait de la perte, on perd de l'argent. C'est le geste après. Hein. Le geste, l'habitude, et puis voilà. On essaye de passer en piquant et en remontant vers le haut. Ensuite, on attrape le petit morceau de peau qu'on a défait et on glisse vers le bas. Tout simplement. Avec un peu de technique. Ce qui me marque d'abord, c'est la dextérité des gestes, c'est la technicité. À un moment, je dis dans le livre, le boucher comme un danseur. Il y a une espèce de chorégraphie, il y a une fluidité, il y a une subtilité. C'est de la caresse autant que de la découpe. Donc il y a cette espèce de ballet des mains que je trouve assez fascinant. Et puis ces mains qui sont justement pleines de sang, c'est-à-dire que le sang vient se mettre sous les ongles, la peau est souvent, on la sent froide, très, très blanche, comme si elle prenait un peu la température de la viande qu'elle manipule. Et puis ce qui me reste aussi, c'est les odeurs, les bruits un peu flasques de la viande qu'on retourne sur le bio. Il y a aussi toute une atmosphère comme ça sensorielle très très forte. Mais ce qui est frappant, c'est que finalement il n'y avait plus que les mains, quoi. C'est comme si le reste du corps avait disparu et que je voyais juste ses mains danser autour de la bidoche. Quand j'étais petite, ma mère allait souvent chez le boucher. Du coup, ça m'a un peu interpellée au niveau de la viande. Bah ouais, on voit de la viande, il y a du sang, etc. C'est pas quelque chose qui me choquait. J'avais l'impression. Moi, je pensais qu'au début, c'est les bouchers qui recevaient l'animal vivant, donc qui le tuaient eux-mêmes, etc. Qui faisaient la viande, qui désossaient. Et moi, ça me passionnait déjà en voyant un os. J'étais super contente. Et je m'en rappelle que mon boucher m'avait donné un os. Je sais pas, j'étais fascinée. Je l'ai gardé pendant quelques temps. Après, fallait le jeter parce que bon, ça devient un animal, donc faut pas le garder longtemps. C'était le tibia d'un bœuf, donc c'est énorme. Et moi, au début, j'ai cru que j'avais un os de dinosaure tellement qu'il était grand. Donc, au final, c'est génial. Mais je sais pas, ça m'a toujours passionnée, les os, tout ça. Même si j'aurais pu être dans la chirurgie, ça aurait été quelque chose de bien. Mais franchement, la boucherie, malgré que j'adore les animaux, c'est quelque chose qui m'a fascinée. En fait, les clients ne voient pas les carcasses qu'il y a dans le frigo. Il y a quelque chose qu'on ressent, et c'est magnifique. Après, j'ai pas pensé à ça pendant quelques années. J'ai fait mes études. Donc j'ai commencé, je suis rentrée dans le collège où ma mère habitait. Et bon, ça a été compliqué, les notes n'étaient pas là, mais voilà, j'étais pas dans un bon collège. Certains profs pensaient que j'étais bonne à rien. Ou des profs qui disent, parce que t'as un problème de vue, bah ils vont t'amuser à te mettre derrière. C'est tout simplement, je pouvais pas écrire parce que j'ai eu un problème de vue. J'ai toujours été devant le tableau parce que moi, derrière, même avec lunettes, ça va pas. Et il y a toutes ces choses-là qui ont fait que bah, les profs, ça les amusait, quoi. Ces serpents à lunettes, tout ça. Donc, j'avais plus confiance en moi-même. Tout le monde m'insulte, je me suis rabaissée, j'étais pas bien, j'ai arrêté les cours complètement. À la limite, en une année, j'ai fait 3 semaines de cours. C'est vraiment. En fait, quand je rentrais dans le collège, j'étais dans un trou noir. Quand je passais la porte du collège, c'était pour moi, ça y est, je rentre dans l'enfer. Au bout d'un moment, j'ai réfléchi, beaucoup réfléchi. Donc je pensais directement à un métier, quelque chose de manuel, quelque chose qui me sort de l'école. C'est à ce moment-là où j'ai connu des amis bouchers, dont à ma belle-mère. Ils m'ont demandé si tu veux faire un stage. Bah, j'ai pas hésité, parce que au final, quand on est encore au collège, on se dit, mais en fait, il n'y a que l'école, quoi. On vit l'école, en fait, on mange l'école, on dort l'école. Du coup, ils m'ont proposé de faire un stage, de travailler 2-3 jours, etc. Du coup, j'y étais. Et voilà, moi, ça a été la boucherie qui m'a sorti du truc, de l'enfer. Et j'avais que ça en tête, me sortir de là. Donc déjà, ma semaine de stage, c'était des vacances, quoi. C'est pour moi, c'était des vacances, parce que je sortais de l'école. Je travaillais, c'était manuel, c'était physique. Les morceaux, tout ça, la livraison, la viande, donc, tu vois toutes les carcasses, c'est une passion en fait, c'est une passion que j'avais depuis longtemps mais que j'avais pas découvert, c'est tout. Voilà, j'étais en 5e, mais j'ai réussi à trouver ma voie, quoi. J'ai oublié de vous demander, mais vous avez gardé un petit moment pour valider quand même. Alors le circuit, là bon maintenant le petit schéma là, il est. Bah, c'est à vous de me le dire. Ah ici la vente s'est faite où? C'est marqué ferme. Directement? À la ferme. Directement à la ferme. Vous pouvez, si quand c'est organisé, acheter directement. Le consommateur peut aller vendre à la ferme. La case obligatoire où tout le monde est. L'abattoir. Voilà, ça c'est l'abattoir. Chaque animal passe systématiquement à l'abattoir. Pour quelle raison? Tu l'as dit ? Pour l'hygiène, voilà, ça se fait à l'abattoir pour des raisons d'hygiène. Là-haut, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un élevage. Ici, qu'est-ce que j'ai ? C'est symbolisé par là, le gars qui met ses mains. Les apprentis se présentent aux portes de l'abattoir à 5 heures. Ils flottent aux alentours de l'usine comme une odeur grasse de lardon. L'abattoir est un assemblage de hangars métalliques déployés sur 170 hectares de pelouse. Devant les bouchers ébahis se dresse l'une des plus grosses usines à viande d'Europe. 2000 ouvriers s'y relaient jour et nuit. Les premiers camions arrivent sur l'immense parking chargé de porc. Ils repartiront avec de la viande débitée, prête à être livrée dans tous les centres Leclerc de France. C'est aux abattoirs qu'est débarquée chaque nuit la plèbe animale, le prolétariat de l'élevage destiné à nourrir la planète. Les apprentis suivent la procession des ouvriers du matin qui pointe entre 5h20 et 5h29, remonteront toute la chaîne, traverseront les salles de réfrigération, de stockage, de découpe, les locaux de triperie, de boyauderie et de salage. C'est un décor de carrelage, d'inox, de néon, de tuyaux d'évacuation, de nettoyage au karcher et de tapis roulants. Dans la première salle, une clameur entêtante, un boucan d'enfer. Non pas encore de cris d'animaux, mais de voix humaines et de machines pneumatiques, de scies et de crochets qui se cognent. L'odeur est forte et indéfinissable, un mélange de sueur et de graisse rance, de bile et de caoutchouc. Il faudra bientôt pénétrer dans le secteur des tueries, le théâtre des sacrificateurs, là où les bêtes sont suspendues, gros fichées dans le tendon. Là où l'on suivra du regard la course du sang qui disparaît dans les grilles d'évacuation, aussitôt dissipée par la pression d'un jet permanent qui transforme tout en mousse rouge. Pim se demande si tous les sangs ont la même odeur, celui des animaux comme celui des hommes. La couleur varie sans doute, du rouge vermillon au rouge presque noir. Mais l'odeur, elle, doit être universelle. Pim n'est pas encore entré dans la tuerie que déjà le sang l'envahit, le submerge. Il voit rouge, il a des visions, comme un malaise. Une épaisse couche d'un grenat tourbillonnant le recouvre peu à peu, coule derrière ses yeux, infiltre narines et tympans, goutte le long de ses cuisses. Il se sent mal, il voudrait qu'on le sorte de là. Ça paraît un peu bizarre, mais l'odeur du sang, j'aime bien. Et est-ce que tu penses aux animaux, au côté cadavre ? Bah moi après côté carcasse qu'il faut tuer des bêtes, moi enfin, pour moi c'est plutôt bien que nous on soit là, parce que si on serait pas là, bah il y aura pas de ça ferait pas de métier. Donc il y aurait pas Rungis, il y aurait pas tout ça. Il y aura pas de fermier, il y aura pas d'éleveur, il y aura rien. Et du coup ça fait de l'emploi et en plus bah on mange bien. Donc je pense pas Moi, je vois le morceau et je pense juste à le préparer pour les clients. Après, il y a des gens, je sais que ça peut les dégoûter un peu, mais faut pas que les gens ils aient une mauvaise image de ça. C'est rien, c'est la vie. Comme, je sais pas, un serpent, par exemple, là, il va bien tuer des souris pour se nourrir. Nous, on va bien tuer des animaux pour se nourrir. Comme ça, on arrive à survivre et du coup, voilà. Il y a plusieurs choses qui m'ont amené à l'abattoir. D'abord, l'excitation, évidemment, à rentrer dans ces lieux interdits. Et puis, il y avait évidemment l'envie de mettre Pim face à cette mise à mort qui est escamotée dans le métier de boucher, puisqu'ils arrivent en fin de chaîne quand le plus dur est fait, finalement. Surtout que maintenant, il est très rare que les bouchers découpent eux-mêmes des carcasses entières. Donc, ils ont même plus face à face avec l'animal, avec la forme animale. Donc l'idée, c'était d'obliger finalement ces bouchers à prendre conscience de la vérité, du sens de leur acte. Donc il s'agissait de m'obliger moi d'abord à regarder, d'obliger Pim à regarder et d'obliger les lecteurs à regarder. Mais pas pour leur dire « voyez comme c'est dégueulasse » ou « soyez dégoûtés à cette vision ». Pour leur dire, au contraire, regardez la puissance, l'ambiguïté de ce qui se passe là, l'ambiguïté de notre propre attitude, à savoir que nous aimons les animaux et en même temps nous les mangeons. Et c'est une ambiguïté, et ça n'est pas un paradoxe précisément pour moi, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de paradoxe. Je ne voulais pas dégoûter les gens de manger de la viande, mais il y a une ambiguïté. Et là où il y a de l'ambiguïté, on peut penser de manière plus subtile. Donc c'est une façon de dire, on fait ces deux choses en même temps, on aime, on protège les animaux, on veut leur bien-être, et en même temps, on a un plaisir à les manger. Et ça a peut-être du sens de les manger, peut-être que c'est ça la nature de notre lien avec les animaux. Voilà, donc l'ambiguïté, pour moi, c'est le contraire de la dénonciation. Donc l'éviscération avec des nacelles qui vont permettre de déplacer avec le moindre effort l'ensemble des éléments qui vont ensuite être envoyés dans une partie sale. Le but, hein, pouvoir les nettoyer, retirer éventuellement donc, les matières Starcoer, quelquefois également des excréments qui pourraient être encore dans le gros intestin, même si les animaux sont généralement mis à jeun avant l'abattage. On réalise la fente. L'inspection vétérinaire, qu'est-ce qu'on pourrait préciser ? Post-mortem, très bien. Alors la pesée, toujours et encore. C'est ce qui va permettre à l'éleveur d'être rémunéré. Le marquage. Mais on ne peut pas sortir indemne d'une visite d'un abattoir, finalement, qu'on soit bouché ou pas. Il y a une violence qu'on doit affronter. Et donc Pim y est sensible. Alors il est peut-être plus sensible qu'un autre à cette violence-là. Mais pour lui, d'affronter la tuerie, la mise à mort des animaux, ce n'est pas renoncer à l'envie d'être bouché, ou ce n'est pas ce qui mettra en cause le fait qu'il devienne bouché. Ça ne provoque pas du tout d'inquiétude ou de questionnement éthique sur sa pratique. Et par ailleurs, évidemment qu'il y est sensible, parce que j'imagine qu'il est impossible de ne pas à un moment être quand même traversé par quelque chose de l'ordre de la terreur dans ces lieux-là. Je pense que la terreur, c'est d'abord une terreur purement scopique, c'est-à-dire que c'est la vision du sang, c'est les odeurs, c'est les cris, c'est quelque chose de l'ordre du film gore, la terreur psychologique, intellectuelle, philosophique, etc., du questionnement de ce qu'on fait aux animaux. Elle vient en seconde main et elle vient pas dans l'esprit de tous. Toi, tu penses des fois à l'animal, à ce qu'il a subi, souffert ? Franchement, non. Je me dis ouais que c'est un mode de vie que bah, nous, les humains, on est, si on peut dire, vu qu'on a la pensée, qu'on a la parole, on pourrait pas dire qu'on est au-dessus des animaux parce qu'on est tous à la même catégorie, mais. Les animaux, en fait, si à l'heure d'aujourd'hui ils mangent, ils sont bien élevés, c'est grâce aux humains et nous aussi on doit les manger. Donc, à moi, c'est la vie. Et après, je ne pense pas que l'animal ait souffert parce que moi je mange du halal, donc pour moi l'animal il n'a pas souffert sur le moment. Il est mort dans les meilleures conditions. Mais après, c'est chacun a son opinion, c'est pour ça. Je me dis, l'animal il a vécu et à la fin il faut le manger. C'est le cycle de la vie. Qu'à un moment, il doit mourir et que c'est comme ça. Moi, en habitant à la campagne, j'ai vu des vaches, etc. Donc, j'aurais jamais pensé qu'un animal vivant, on peut pas voir ce qu'il y a derrière chez les bouchers. C'est énorme. C'est entre 100 à 130 kilos. Et c'est magnifique, c'est quelque chose qui fait que tant que je le vois, parce qu'en fait on le reçoit sans la peau, sans la tête, sans les pieds, on reçoit vraiment que la viande. Je vois pas de, y a pas, le corps n'est pas entier en fait, c'est séparé. Parce que si au final si on se fait à l'idée et qu'on pense à la bête qu'on vient de désosser ou autre, au final ça sert à rien de faire boucher puisque si tu penses à la bête vivante, tu te dis merde, je suis en train de la désosser, pauvre bête. Pourtant, ça se trouve, elle était belle, etc. Mais voilà. Non, entre bouchers, on se fait pas l'idée de. On pense pas à la bête. Parce qu'au final, si on pense à la bête, on travaille pas, quoi. C'est pour nous, si on pense à la bête, c'est. Oh. Donc non, je pense pas à la bête. Après, c'est vrai que moi, j'ai mon collègue qui remercie la bête à chaque fois. Il parle à son morceau, il dit merci, et puis après il commence à désosser, donc il remercie la bête qui a donné sa vie pour que les autres mangent. Parce que, merci de donner à manger aux autres, parce que sans eux, en vrai, on serait pas là, et sans les bouchers aussi, on serait pas là, il y aurait pas à manger, on mangerait pas de viande. Oh, tu mangerais pas ça, pourquoi ? Ça, c'est des préjugés. C'est comme manger une bonne cervelle, sauter au beurre, c'est excellent. Manger les rognons blancs, c'est quoi des rognons blancs ? Testicules d'agneau. Bah, si vous avez jamais mangé, bah, si vous en avez jamais mangé, poêlé au beurre avec de l'ail et du persil, c'est excellent, c'est extrêmement fin au goût. Après, c'est une question culturelle, hein. Culturelle et puis d'habitude. Hein. Maintenant, on va voir pour dégager trachée œsophage. Trachée œsophage, c'est quoi ? Ce sont les conduits dans lesquels passent à la fois l'air et l'alimentation. Ok ? J'enfonce mon doigt. Là, je tombe dans la cavité. Hein. Vous voyez, mon doigt, il est sous la poitrine. Et une fois que c'est fait, je vais faire un crochet avec mon doigt sur le côté gauche. Mais vous allez les sentir, hein, l'œsophage et la trachée. Une fois que je les ai crochetés, ensuite, je vais pouvoir gentiment décoller la trachée et l'œsophage. On va faire aussi également attention à ce qu'on appelle le jabot. Non, c'est le fiel, c'est la vésicule biliaire qui aide à la digestion. Le jabot, c'est une petite poche qu'il a à la base dans laquelle il va se bloquer l'alimentation. Le roi du poulet. Non, franchement, faut dire la vérité, quand on parle au flou, on va pas leur dire « Oh, on est bouché ». Pour l'instant, c'est vrai. C'est une vérité. Il est très bien le métier, on dit pas le contraire, on aime bien tous le métier, mais c'est pas vendeur de rêve pour la gente féminine. Alors d'aujourd'hui, même en France et dans les autres pays, les gens ils ont l'image du boucher, un grand monsieur gros avec un gros ventre, qui a une hache à la main, qui coupe, qui a plein de sang sur lui, sale, qui travaille toujours avec du sang. Et les gens ils ont pas l'image d'un de boucher. Bien. Axel, t'as peur de l'odeur de la viande ? Non, c'est bon, ils ont pas peur. Julie, t'as peur de l'odeur de la viande ? Avant d'être bouchère. T'avais peur de cette odeur ? Ça te répugnait un peu, non ? D'accord, bah non. Pourquoi c'est pas vendeur, Ryan, d'être boucher ? Bah, parce que c'est... Le métier, il est sale. Ouais, quand on parle de boucher, on parle de sang. De sang, de bêtes, on tue, on est sale. Puis après, bah, l'odeur aussi, parce que l'odeur de la viande, ça n'a pas attirant quand même. Ah, sur les mains, même les ongles, même si on passe les brosses ongles, on a les ongles. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, tu sais. Et alors, du coup, vous dites quoi aux filles ? Vous leur dites pas ? Moi, je travaille à la NASA. Franchement, c'est la vérité, hein. J'ai déjà sorti ça, j'ai dit, ouais, je travaille à la NASA. Je fais des études en comédie ou. Non, moi je lui dis, cash. Non, mais pas content, après, si on parle vraiment, si c'est du sérieux, ouais, on lui dit. Mais après, c'est pas un truc qu'on va mettre en avant chez nous. Ouais, on est bouché, on va pas leur dire cash. Moi, je lui dis, je suis bouché. Si elle est pas contente, c'est la même chose. Parce que c'est pas un métier qui doit faire qu'une relation, en gros. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Ouais, c'est ça, en plus, ça rapporte de l'argent, normalement. L'argent, ça compte même pour un couple ou. Et arrête de me couper la parole. Donc l'argent, c'est important aussi dans la vie. Et c'est ça aussi que les gens, ils savent pas vraiment en boucherie. Parce que l'autre fois, je parlais même avec quelqu'un, il me disait, ouais, mais la boucherie, ça rapporte pas. Mais la boucherie, ça... Ça peut monter très haut. Un boucher, ça peut monter de 1000... Commencement, 1005, 1007, ça peut monter jusqu'à 3000, 3500. Même plus, un patron, il peut se verser 15 000 par mois s'il a une bonne boucherie qui est des bites. C'est bien la boucherie. Hein ? C'est bien la boucherie. Adieu. Tu kiffes ta vie ? Moi, franchement, c'est une passion. Wow. En fait, ce qu'on prévoit pas, surtout pour les filles dans le métier de la boucherie, c'est physique. C'est-à-dire que, bon, je suis assez costaud, donc je me dis que, bon, bah voilà, les carcasses, ça va aller. Mais au final, non, il y a des collègues. Bon, elle est pas assez forte. Les filles, c'est Madame Pompon, elle veut pas se salir. On l'entend partout. Les filles, c'est pas fort. C'est pas une mentalité de boucher. Il y a pas beaucoup de temps qu'une fille peut rentrer en boucherie. Il y a 10 ans de ça, c'était interdit, les filles. C'était vraiment que pour la caisse. Et encore, t'en voyais une, c'était limite une insulte. Et quand je me dis que mon amie bouchère, elle est mariée avec un homme, son homme, il travaille en banque. C'est un banquier et toi t'es bouchère et les gens ils te regardent. Attends, vous n'êtes pas trompé de métier là ? Voilà, c'est. Ils voient pas les femmes dans des métiers durs, sauf qu'au final il va peut-être falloir s'y mettre parce qu'on n'est pas non plus là pour faire la caisse ou autre. Je suis pas. Mais comme la fille bouchère, on se dit bon, on va se marier avec un boucher parce que au moins il n'y a pas de différence, quoi. On est boucher, quoi. C'est ça. Après, l'avenir n'est pas là, quoi. On ne sait pas, donc ça se trouve, je ne serai absolument pas avec un boucher. Donc, voilà. Je fais mon métier, je suis contente. C'est, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. C'est, ouais, je suis plus forte que certaines personnes le pensent, donc. C'est le fait d'avoir vécu mon parcours et je me dis que voilà, ça y est, j'ai 16 ans, je suis dans le monde du travail et je suis partie de rien et aujourd'hui, bah, j'ai quelque chose de bien, quoi. Hop, très bien. Force pas sur ta lame de scie. C'est elle qui travaille, c'est pas toi. Toi, t'es là pour la guider. Voilà. Allez, on y va, à la forme. En plus, t'as pas de chance, les animaux, ils sont tout mous. Ils sont extrêmement maigres. Non, sois pas raide. Ça, ça doit pas bouger. C'est ça qui fait. Voilà. Voilà. Ça stresse l'examen ? Un petit peu. C'est toujours stressant, surtout quand on a son père et son grand-père dans la boucherie. Moi j'ai envie de finir le plus haut, enfin, comme tout le monde ici, mais surtout quand on a des proches qui sont dans le métier, on a envie de les rendre heureux en montrant ce qu'on sait faire aussi, quoi. Pour le moment je suis bien, mais je peux faire encore mieux, je pense. Petit à petit on s'améliore, quoi. Voilà. Moi je veux devenir patron, c'est pour ça que je prends un peu de tout pour après prendre partout un peu les idées de chacun. Et après c'est bien de voir un peu partout. Bref, c'est de devenir patron, boucher. Franchement, bah oui, parce que la boucherie c'était pas pour moi depuis petit, j'ai jamais pensé une seule fois à la boucherie. Il se prend pour un patron direct. Et tu fais combien d'heures par jour ? Younes, tu fais combien d'heures par jour ? Et c'est quand tes vacances ? Hein ? C'est quand tes vacances ? Et tu reprends la bouchée après directement ? Yes, I do. Merci aux élèves de l'école professionnelle de boucherie, Lévonne, Axel, Léo, Romain, Younes, Julie, à l'équipe enseignante, Thomas Weiss, Florence Bernard, Nathalie Gomez, messieurs Angot et Paul Mier. Merci à Joyce Armand, Comme une bête est publiée aux éditions Gallimard. À l'école des bouchers, une émission de Delphine Santel et Vincent Deck. Omnivore, végétarien, viandard, vegan, flexitarien, coupable ou dans le doute, LSD c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter parmi les bêtes sauvages, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonna Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret.